Chapitre 2, Kodesh, la sainteté qui ne craint pas la matière. Pour bien mesurer l'étendue du glissement, il faut examiner ce que les deux univers linguistiques entendent par sainteté. C'est au nom de la sainteté que l'on réclame aux musiciens de travailler gratuitement. Et là encore, la comparaison est saisissante. Kodesh, mis à part pour une fonction. En hébreu, Kodesh signifie fondamentalement mis à part, non pas séparé de la matière, non pas éloigné du monde réel, mais réservé à un usage précis, une fonction définie, une destination particulière. Dans le temple de Jérusalem, les ustensiles métalliques des sacrifices étaient Kodesh. Ils n'avaient rien de moins matériel que des ustensiles de cuisine ordinaires. Ce qui les distinguait, c'était leur destination. Pas leur substance. Un musicien peut être Kodesh. Son instrument peut être Kodesh. Sa compétence peut être Kodesh. Ses réalités peuvent être mises à part, au service d'une vocation et d'une communauté. Mais cette mise à part fonctionnelle n'implique en rien de renoncer à la subsistance matérielle. Le couteau de sacrifice, Kodesh, était forgé par un forgeron qui, lui, était payé pour son travail. Hagios, la pureté qui fuit le monde. La Septante a traduit Kodesh par Hagios. En grec classique, ce terme porte une nuance d'altérité radicale, de séparation d'avec le monde commun. Progressivement, dans la théologie chrétienne nourrie de platonisme, Hagios est devenu le contraire du profane, c'est-à-dire le contraire de tout ce qui touche à l'argent, au corps, au commerce. Ce glissement a eu une conséquence pratique redoutable. Il a permis aux institutions de qualifier certains actes de sacrés pour les soustraire aux règles ordinaires du droit du travail. Une fois un acte déclaré hagios, toute demande de rémunération pour cet acte apparaît comme une profanation. C'est un tour de passe-passe rhétorique dont la base biblique hébraïque est totalement absente. Leçon 2. La sainteté biblique hébraïque, Kodesh, est une mise à part fonctionnelle, pas une fuite de la matière. Un acte saint peut être rémunéré équitablement parce que la sainteté concerne la destination de l'acte, pas la nature de la transaction. Prétendre qu'un salaire profane un travail sacré est un raisonnement grec, pas un raisonnement biblique.